La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Nous ne dormons pas assez et nous passons même de moins en moins de temps dans les bras de Morphée. Pour la première fois, le temps moyen de sommeil quotidien est passé sous la barre des 7 heures. Et pourtant, le sommeil, vous le savez, est la clé d'une bonne santé physique et mentale. Comme nous le verrons d'ailleurs dans notre prochaine conférence, jeudi 18 avril prochain, avec le neurologue Lionel Nakache. Alors que le temps de sommeil des Français diminue dangereusement, la sieste pourrait être le remède. Les dernières études scientifiques ont révélé que justement la sieste permet de lutter contre la somnolence, la baisse de performance, la douleur, le stress, à nous protéger du surpoids et des risques cardiovasculaires. Le chercheur Brice Farot publie « Sauvé par la sieste » chez Actes Sud, un ouvrage qui raconte les bienfaits de cette pratique, pourtant difficile évidemment de l'imposer au travail, de peur d'être mal jugé par ses collègues. Nous faisons l'éloge de la sieste dans le dossier cet après-midi avec vos messages et toutes vos questions sur le sommeil, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science, ils s'appellent Félix Macavity ou encore Bella et ils reconnaissent leur nom. Et oui, cette fois c'est démontré par une équipe japonaise. Les chats se reconnaissent quand on les nomme, ils ont juste très souvent la flemme de répondre, mais ça aussi, on s'en doutait. On voit ça dans un instant avec notre invité. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Villard sur France Inter. Bonjour Brice Farot. Bonjour. Vous publiez « Sauvé par la sieste » chez Actes Sud. Êtes-vous un pratiquant régulier du petit somme de la mi-journée ? Absolument. Quand mes nuits sont trop courtes, j'utilise cette sieste pour être au mieux dans la journée qui va suivre. Cette nuit, malheureusement, à nouveau trop courte, comme ça a l'air d'être le cas de nombreux Français. Vous évoquiez tout à l'heure une étude, peut-être on pourra y revenir, auquel j'étais co-auteur aussi, ouais. Sur le temps de sommeil en semaine. Je voudrais en parler aussi. Ouais, et c'est un jeune papa aussi qui va nous parler dans un instant. Oui, absolument. Ouais. Il a fait un petit garçon, une petite fille, des jumeaux. Ça, voilà, c'est aussi des stratégies d'adaptation face au manque chronique de sommeil. Alors, à l'heure de la tête au carré, on va un peu se tirer une balle dans le pied quand même cet après-midi, parce que comme nous sommes soucieux de la santé des auditeurs, on va quand même parler de la sieste, mais c'est l'heure idéale finalement pour la faire, la 14h06. Alors, tout le monde au lit, tous les voyants sont au vert pour faire la sieste. Pourquoi je le préciserai, mais oui, c'est maintenant qu'il faut dormir. Alors écoutez quand même la tête au carré, voilà. Mais il faudrait dormir maintenant. Exactement. Et pour ceux qui font des insomnies, on peut aussi nous écouter à 4h du matin. La sieste, on va le voir avec vous, on peut la conseiller très courte ou un petit peu plus longue. Différents formats peuvent s'adapter à nos besoins. Absolument. La question est de savoir pourquoi on l'a fait et quels bénéfices on veut en tirer. Et il y a des siestes courtes qui permettent d'avoir certains effets plus restreints dans le temps et des siestes plus longues qui permet d'avoir d'autres types d'effets et avec un effet plus durable. Absolument, ouais. On les détaillera tout à l'heure. En tout cas, la sieste qui permet de lutter contre ce manque de sommeil qui est totalement sacrifié aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable qu'on prenne pas soin de nos nuits. Mais oui, c'est pourtant un tiers de notre vie et on a vraiment l'impression que c'est sacrifié sur l'autel du travail, de l'hyperconnexion, de ce que j'appelle le mythe du tout éveil et c'est vraiment dommage parce que c'est là que c'est notre intimité, c'est un dernier espace, un corps de vie à nous et qui n'a pas de raison d'être rentabilisé. Ouais. Il faut essayer de suivre ces rythmes. C'est ça, mais surtout c'est qu'on voit les effets sur la santé quand même. C'est-à-dire bien dormir ou mal dormir, ça change absolument tout. Et quasiment du jour au lendemain, on l'a tous constaté d'ailleurs, un manque de sommeil et tout d'un coup, on se sent beaucoup plus irritable, fatigué. Absolument, il y a des effets que je vais appeler aigus, donc immédiats. J'ai dormi 4-5 heures au lieu de mes 8 heures habituelles. Vous évoquiez l'effet sur le comportement, on est plus irritable, plus fatigué. Et puis, il y a des effets plus insidieux qui vont mettre du temps à s'installer et qui vont grignoter notre santé peu à peu. Ce manque chronique de sommeil va grignoter notre santé. Et là, on est plus dans le domaine du risque cardiovasculaire, par exemple. Ouais. Allez, faites la sieste avec nous. Gardez quand même une oreille ouverte pour écouter la tête au carré et notre invité qui a plein de très bons conseils à vous donner. Et vous pouvez bien sûr nous joindre avec vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, Brice Farot. À tout de suite. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà. Voilà, Albert Dupontel dans Bernie en 1996. Les chats qui reconnaissent leur nom, et c'est une grande nouvelle aujourd'hui à la une de la science, Axel. Et oui, Mathieu, des chercheurs japonais démontrent ce que les propriétaires de chats avaient pressenti depuis longtemps. Les chats ont de grandes capacités d'apprentissage, mais sont aussi de sacrés fainéants. Une équipe de l'université de Sofia à Tokyo démontre avec un protocole assez astucieux que nos amis félins reconnaissent bien leur nom, même si c'est vrai, parfois ils choisissent d'ignorer leur propriétaire. Pour en discuter, nous sommes en ligne avec Claude Beata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire spécialisé en médecine du comportement animal. Alors, cette capacité des chats à se reconnaître dans un mot prononcé par l'homme, est-ce que vous vous en doutiez avant la lecture de ces travaux? Oh, bien sûr, parce que je suis aussi propriétaire de chats et que j'écoute les propriétaires de chats et qu'ils savent tous que effectivement leur chat reconnaît leur nom. Mais là, ça a été montré de façon très astucieuse. En quelques mots, ils ont montré premièrement que les comportements qu'il fallait vérifier pour voir si l'animal reconnaissait leur nom ou un autre mot d'ailleurs, c'était les comportements d'orientation d'oreille et de mouvement de la tête et non pas le comportement de venir ou de vocaliser, parce que ça arrive que chez moins de 10% des chats, hein, donc ils ont bien identifié ça. Puis après, ils ont fait une expérience très, très astucieuse où ils ont mélangé les noms des chats à des noms qui avaient la même longueur, avec les mêmes accentuations. Parce qu'on pourrait se dire c'est juste l'intonation, le fait que ça ait cette longueur-là, d'accord? Donc ils ont vraiment vérifié ça. Après, ils ont vérifié aussi, est-ce que s'il y a plusieurs noms de chats, c'est-à-dire si on vit entre plusieurs chats, est-ce qu'on connaît son nom au milieu du nom des autres chats? Hein, c'est pas un vocable général chat, mais c'est bien mon nom. Et après, ils ont encore vérifié, est-ce que si c'est pas le propriétaire qui dit le nom, mais quelqu'un d'autre, et notamment, ils ont travaillé avec des chats dans des cafés pour chats, hein, donc là où il n'y avait pas de propriétaire clairement identifié, est-ce que le chat va reconnaître son nom? Et toutes les expérimentations vont dans le même sens. Le chat reconnaît son nom, son propre nom, et c'est à chaque fois significatif sur les mouvements d'orientation des oreilles et de la tête. Mais donc alors, là, on en a une preuve très jolie. Mais maintenant qu'on sait que le chat reconnaît son nom, les moments où il ne répond pas vont être encore plus frustrants, parce qu'avant, on avait une échappatoire, on pouvait se dire « Ah, peut-être qu'il ne se connaît pas ». Non, mais vous savez, on voit souvent ça, cette différence entre le chien qui va venir vraiment dans la très grande majorité du temps et le chat qui, lui, ne va pas toujours le temps venir. Pour le chien, son nom, c'est souvent soit un ordre, soit une invitation au contact social, et pour lui, c'est quelque chose qui est assez impératif. Pour le chat, quand on prononce son nom, même si on le prononce sur un ton d'appel, c'est une information qu'on lui envoie, et il prend le temps souvent de délibérer. Alors, vous avez dit dans votre introduction « feignant », moi je crois pas qu'il soit feignant, je crois qu'il réfléchisse, savoir si... Est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Est-ce que l'information, est-ce que ça va être positif pour moi? Est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce que ça va bien? Et à ce moment-là, je décide d'y aller ou pas. Alors, cette différence de réaction entre un chat et un chien, quand on prononce son nom, elle vient d'où? L'origine de ces différences? Parce que vraiment, c'est pas les mêmes animaux. Le chien, c'est un animal social, donc il vit tout le temps dans son groupe, il a besoin des contacts et il les recherche. Pour le chat, le contact, c'est pas du contact social, c'est de la relation. Elle peut être positive ou elle peut être négative. Si une fois on a dit son nom et que derrière il s'est passé quelque chose de désagréable, le chat peut se sensibiliser à son nom et décider de pas venir ou d'attendre vraiment que les conditions soient favorables. Donc vraiment, deux répertoires comportementaux complètement différents, qui vont fonder des attitudes différentes à l'appel. Et après, on voit quand même de plus en plus de chats, j'allais dire de chats-chiens, qui répondent vraiment très volontiers à leur nom. On a des tas de propriétaires qui nous disent que leur chat est en liberté, et donc il est en espace ouvert, ils se mettent sur le pas de la porte, ils appellent et le chat accourt. Un de mes fils appelait son chat avec des vocalises maternelles de mère-chat, du style marr, comme ça, et le chat, où qu'il soit dans l'environnement, apparaissait dans les 30 secondes et répondait à l'appel. Mais Claude Béata, le chat ne serait pas un animal social? Ah non, le chat n'est pas l'espèce féline n'est pas une espèce sociale. C'est souvent quelque chose là qui porte à confusion. Le chat, comme le chien, se développe dans l'attachement. Et comme il se développe dans l'attachement, il peut avoir une passion pour la relation, il peut avoir une passion pour certaines personnes, pour certains congénères, ça, c'est un peu plus rare, mais pour des humains, pour des chiens, pour n'importe qui. Et donc il peut établir des relations tout à fait positives. Mais il ne fait pas société. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas collaboration, il n'y a pas réconciliation. Les critères de la société n'existent pas dans l'espèce féline. Ce qui ne l'empêche pas, souvent, s'il n'est pas social, d'être sociable. Et donc, de pouvoir apprécier beaucoup la relation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les chiens ont cette capacité à reconnaître de très nombreux mots parce qu'on a exploré ces capacités chez le chien. Est-ce qu'on peut imaginer, si jamais on essayait, pouvoir faire reconnaître plein de mots différents à des chats ? Oui, alors on a des chiens champions, hein, Chaser actuellement, il reconnaît plus de 1000 mots et il est capable, donc de 1000 objets aussi, il est capable de les étiqueter, c'est-à-dire de les reconnaître longtemps après. Cette capacité chez le chat, à ma connaissance, pour le moment, elle n'a pas été testée aussi loin. Hein. Déjà, vous voyez, ces travaux-là, les travaux que vous avez cités de l'équipe japonaise sont un peu révolutionnaires, hein, dans le sens où enfin on commence à pouvoir prouver que les chats reconnaissent leur nom, et on n'en est évidemment pas encore à leur reconnaître, à leur faire reconnaître des noms d'objets, parce que par exemple, leur apprendre quelque chose comme « va chercher », qui est l'ordre qui a permis de montrer que ces chiens reconnaissaient autant de mots, si vous mettez en lumière avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chat va sans doute délibérer avant de savoir s'il va faire ça ou pas, l'expérimentation ne va pas être très très facile à mettre en œuvre. Quel conseil on peut donner aux propriétaires de chats qui ne reconnaissent pas leur nom pour peut-être aller un peu plus loin dans la relation ? Alors, souvent, ce qui a pu se passer, c'est que le chat a pu associer son nom avec un événement négatif. C'est là aussi où il est très différent du chien. C'est-à-dire, comme il a un statut à la fois de prédateur, mais aussi de proie, les événements négatifs peuvent le sensibiliser très rapidement. Et donc, si une fois il s'est passé quelque chose de négatif associé au nom, le nom risque de devenir un signal qui peut lui faire peur. Donc, ça veut dire qu'avec un chaton, on fait très attention à toujours dire son nom dans des conditions très positives. Et donc, à ce moment-là, on va avoir de plus en plus de chances, d'accord ? Le renforcement positif fonctionne très bien. L'éducation positive fonctionne très bien avec les chats. C'est ce qui fait que maintenant, on fait de plus en plus de choses avec eux. Quand les principes d'éducation étaient très stricts et très punitifs, ben, malheureusement, ça pouvait un peu marcher avec le chien et le cheval. Et heureusement, maintenant, c'est abandonné. Et avec les chats, ça n'a jamais marché. Par contre, à partir du moment où on récompense, qu'on associe au nom des friandises, du jeu, tout ce qui peut lui faire plaisir, à ce moment-là, on a de grandes chances d'augmenter la réponse à l'appel. Au final, Claude Beata, les choses sont mutuelles parce que le chat aussi a, lui, une gamme de vocalises que les humains comprennent très bien. Alors, les humains les comprennent et les scientifiques les comprennent mal. C'est-à-dire que l'humain qui vit avec le chat, généralement, au bout d'un moment, il a un dictionnaire « mon chat, moi » qui marche pas mal et il sait si le chat vocalise pour dire merci, par exemple. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas à avoir des chats qui nous demandent de sortir ou de rentrer, quand on leur ouvre la porte, ils passent devant nous, la queue est un peu en point d'interrogation, il y a une petite vocalise du style « ouais » qui veut dire, moi, que j'entends comme merci, ouais, en tout cas, c'est positif. Voilà, et à ce moment-là, souvent, il m'arrive de répondre à mes chats, je vais passer pour un idiot, mais tant pis, de rien, hein, parce que voilà, on est... Et pour le chat, je pense que ça fait une séquence comportementale qui est satisfaisante et qui est renforçante, et donc évidemment, la fois d'après, ils vont encore plus vocaliser. Les chats peuvent vocaliser quand ils demandent de la nourriture, quand ils demandent de l'attention, et si ça fonctionne, et s'ils vivent avec un humain qui utilise lui-même beaucoup la parole, eh bien, ils vont utiliser de plus en plus les vocalises. Après, il faut bien dire aussi qu'il y a des races qui vocalisent beaucoup plus que d'autres. Les Siamois et tous les Orientaux vocalisent beaucoup plus que les autres. Merci beaucoup Claude Beata pour cet éclairage. Bonjour à vos chats et à vos fox terriers d'ailleurs en même temps. À très bientôt, merci à vous. Axel, à demain. À demain, merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la vaccination contre la rougeole désormais obligatoire à New York. En 6 mois, la ville a recensé plus de cas de rougeole que l'ensemble des États-Unis en 2016. Pour répondre à la flambée en cours, le maire de la ville a pris des mesures sévères. Il annonçait hier que les habitants de certains quartiers seront contraints de voir un médecin pour être vaccinés, sous peine de s'exposer à une amende de $1000 en cas de refus. Il n'existe aujourd'hui toujours pas de traitement curatif contre la rougeole. La matière peut être solide et liquide en même temps. Une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg a soumis du potassium à un métal très simple, à des conditions extrêmes de pression et de température. L'équipe a obtenu une structure jamais observée jusqu'alors, une sorte de maillage solide dans lequel certains atomes sont dans un état solide, c'est-à-dire liés les uns aux autres, et le reste dans un état liquide. Reproduit ensuite en simulation par ordinateur, les chercheurs démontrent que cet état nouveau est bel et bien stable. Et puis pour terminer, soyez attentifs et sur le qui-vive, puisqu'après l'émission aujourd'hui, aujourd'hui à 15h07 précisément. La première photo directe prise d'un trou noir sera dévoilée au monde entier. Des astronomes justement réunis sous le projet Event Horizon tenteront et tiendront des conférences de presse un peu partout sur la planète. L'émission d'ailleurs demain sera consacrée entièrement à cette publication imminente. Mais n'hésitez pas à suivre notre page Facebook dans l'après-midi. Dès que la photo sera disponible de ce trou noir, nous la publierons pour le plaisir des yeux. Donc 15h07 tout à l'heure. Les bienfaits de la sieste, le dossier dans un instant. I know some say find the way, but me I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Too much. C'était Lou Doyon. La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter. Faites la sieste, offrez-vous ce plaisir, c'est ce que va nous dire notre invité Brice Faro, vous qui êtes neuroscientifique, chercheur au Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu et à l'Université Paris-Descartes. Et ce livre qui paraît chez Actes Sud, Sauvé par la sieste, petite somme et grande victoire sur la dette de sommeil, parce que c'est tout le problème justement, cette dette de sommeil, on va en parler avec les auditeurs qui nous rejoignent bien sûr, avec toutes les questions, certainement des témoignages sur franceinter.fr et ce mot-clé, la TAC. Tout le monde sait que le sommeil est essentiel, vital, réparateur. Mais pourtant, les Français, on le disait tout à l'heure, comme les dormeurs du reste du monde, sont en dette dangereuse même de sommeil. Hein. On est vraiment dans des zones rouges aujourd'hui. Hein. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste cette dernière enquête du bulletin hebdomadaire épidémiologique, c'est Santé publique France. À laquelle vous avez participé. Voilà, donc c'est un échantillon important de 12 000 personnes, tout de même représentatif de la population française. Et cette fameuse dette de sommeil, il y a plusieurs manières de l'évaluer, mais là, par exemple, lorsqu'on l'évalue entre le temps idéal de sommeil pendant la semaine pour fonctionner parfaitement et le temps effectif que les gens ont dormi, et ben, comme malheureusement, on trouve que un quart des Français ont une dette de sommeil sévère parce qu'elle est supérieure à 1h30 par semaine. Donc c'est 25% de la population à peu 25%. Et alors si vous faites vite un calcul, on perd 1h30 par nuit en semaine, ça fait on perd une nuit par semaine. Oui, c'est ça, ouais. Et une nuit par semaine, ça fait un peu plus d'un mois par an de sommeil. Ouais, donc, ouais, ouais. Quand le sommeil de nuit justement se fait trop rare, vous le disiez tout à l'heure, lui qui assure, c'est le moment privilégié de libération d'hormones essentielles à notre équilibre physiologique, qui assure la consolidation de la mémoire, qui assure la régénération de nos cellules, qui nettoie, peut-être qu'on en parlera, qui nettoie le cerveau. Alors là, dans ce contexte-là, la sieste peut peut-être venir en renfort de ce sommeil écourté et devenir notre meilleur allié, une espèce de coéquipière du quotidien. Ouais. Et je voulais revenir sur cette enquête. L'originalité de cette enquête, c'est on a regardé aussi ce sommeil sur 24 heures, parce qu'habituellement, c'est fait uniquement sur des enquêtes de si grande amplitude, c'est fait uniquement combien de temps vous dormez la nuit pour aller vite. Mmh. Là, on a regardé sur la photographie sur 24 heures. Est-ce que la question était, est-ce que ces gens qui sont en dette de sommeil le compensent par des siestes et dans quelle proportion? On trouvait que dans l'échantillon global, un quart des personnes pratiquent la sieste, mais que lorsqu'on regardait ces gens qui étaient en dette de sommeil sévère, vous disiez on passe en zone rouge, donc c'est chez eux que ça devient préoccupant, je vais vous le dire pourquoi après. En fait, la pratique de la sieste faisait passer de un quart à 20%, donc c'est-à-dire que seuls 20% permettaient d'entre ces gens en grande dette de sommeil sortaient de cette zone rouge grâce à la sieste. Pourquoi ça devient inquiétant? Parce que 35% des Français dans cette enquête, et c'est ce qu'on retrouve année après année, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance fait des enquêtes, et on retrouve toujours à peu près de l'ordre d'un tiers en semaine des Français qui dorment moins de 6 heures la nuit. Ouais. Et 6 heures, c'est un seuil en dessous duquel, si semaine après semaine, mois après mois, année après année, on dort moins de 6 heures, là, tout un éventail de pathologies arrive. Et les gens peuvent se dire, mais non, moi, j'ai pas besoin de beaucoup dormir, je fonctionne très bien, etc. Alors, tout de suite, ça, je peux vous dire, c'est faux, parce que des vrais petits dormeurs, donc les gens... C'est 7%, c'est ça, voilà, la population. Comme notre président, apparemment, qui ont besoin de dormir moins de 6 heures pour être... Ils sont parfaitement en forme à tout point de vue cognitif, point de vue de l'organisme. Et c'est vous venez de le dire, c'est 7-8%. Donc les autres sont en dette de sommeil. Ouais. Brice Farot, ce qui est quand même assez frappant, c'est cette image que vous donniez, c'est-à-dire une heure de sommeil en moins chaque nuit, ça fait une nuit en moins par semaine. Absolument. Une nuit en moins par semaine. Oui, c'est donc c'est considérable. C'est conséquent. Ouais. Et donc, on est là pour parler aussi de la sieste. Et donc il y a un problème, on va dire, d'acceptation dans la société de ce pouvoir récupérateur de la sieste. Mmh. Et avouez que c'est quand même très paradoxal. On s'autorise à dormir 7-8 heures la nuit et on ne s'autoriserait pas une vingtaine de minutes. Hein. Il ne s'agit pas de dormir 3 heures l'après-midi. Ouais. En début d'après-midi, quel moment idéal, par exemple? Quelle est la proportion de population la plus touchée, justement, et quelle est-elle? Est-ce que ce sont plutôt les adultes, les adolescents, les personnes âgées? L'enquête le dit, ça? Oui, alors là, on retrouve, c'est quand même les 18-34, 18-45 ans, selon les critères que l'on retient, qui sont les plus touchés par la dette de sommeil. Donc, c'est avant tout à cette population qu'il faut s'adresser lorsqu'on essaye de penser des stratégies de compensation de ce manque de sommeil. Ouais. On va écouter un reportage qui avait été diffusé dans le 20h de France 2 en 2014 sur le problème des écrans, justement, qui touche beaucoup les adolescents et qui explique justement que cette dette de sommeil chez les plus jeunes se creuse. Exposé à des écrans le soir, notre cerveau produit 25% de mélatonine en moins. On s'endort moins vite et on dort moins bien. Chez les adolescents, le phénomène est particulièrement inquiétant. 1 sur 4 ne dort pas assez. Comme Axel, 15 ans. Il fait partie de cette génération ultra connectée. Chaque jour, je pourrais envoyer 500 messages en comptant ce que je publie sur Twitter ou sur Facebook ou ce que je peux retweeter ou favoriser. Cette addiction ne s'arrête pas à la tombée de la nuit. À 23h, Axel se couche, smartphone sur l'oreiller, au bout de seulement 7 secondes, l'appareil se met à vibrer. Happé par son écran, il envoie alors des SMS, passe de Facebook à Twitter, de Snapchat à YouTube, il est sur tous les réseaux sociaux. Après avoir surfé 1h15, Axel finit par s'endormir. Parfois, en période scolaire, Axel ne dort que 6 heures. À son âge, pour être en forme, il lui faudrait 3 heures de sommeil en plus. Brice Farot, 3 heures de sommeil en plus. Ah oui, c'est quand même beaucoup là. Oui, bah oui, parce qu'on sait ce qu'on l'adolescent au lycée, il est encore en croissance, donc il a besoin de beaucoup dormir et notamment de beaucoup de sommeil lent profond, qui est la seule période à laquelle on va sécréter nombre d'hormones et parmi cela l'hormone de croissance. L'hormone aussi, de croissance, hein, absolument. C'est inquiétant ce déficit de sommeil là chez les plus jeunes aujourd'hui. Bah, je pense que on parlait des écrans, etc., des téléphones. Les dernières enquêtes montrent qu'il y a à peu près un adolescent sur deux qui garde en un espèce de mode leur téléphone, qui envoie quand même des petites alertes. Et ce dont les adolescents n'ont pas conscience, c'est que ces petites alertes, ils vont pas s'en souvenir le matin, mais ça va faire des micro-éveils qui font qu'ils vont passer d'un sommeil profond à un sommeil plus léger, qui va être moins récupérateur. Donc ça, plus le fait d'avoir été, on parlait de la mélatonine, la lumière bleue, va réduire la sécrétion de mélatonine, donc va retarder l'endormissement, plus leur rythme naturel qui fait, vous savez, la fenêtre de sommeil jusqu'à 20-21 ans est décalée vers ce qu'on appelle un retard de phase. Donc ils ont naturellement, l'horloge biologique leur dicte d'aller se coucher plus tard et de se lever plus tard. Évidemment, c'est en conflit avec les horaires scolaires. Ça, plus les écrans, plus rester connecté. C'est pas l'idéal. Hein. Brice Farot, des messages des auditeurs. Estelle nous dit « Je suis une grosse dormeuse, je fais la sieste dès que je peux, en plus de mes 8 heures de sommeil nocturne. » Donc effectivement, elle a besoin de beaucoup de sommeil. « Mais je rêve de lever la honte sur cet instant tellement délicieux et utile de la sieste qui nous apparente à de petits vieux séniles. » Ah, c'est vrai que c'est très mal vu en France. Hein. Alors, les mentalités changent un peu. Si on va voir ailleurs, les anglo-saxons appellent ça la power nap. Tout est dit dans le terme. Donc ils ont bien compris l'intérêt, le gain d'efficacité. Au Japon, c'est complètement intégré dans les mœurs. Moi, j'ai avec des collègues japonais, chercheurs, on les voit piquer du nez 2-3 minutes. Ils ressortent de ça, ils surgissent des idées auxquelles on n'avait pas pensé. c'est inscrit dans la constitution chinoise depuis 1948 pour le bien-être du travailleur et le bien-être de la productivité. Hein. Mais donc c'est vraiment dommage de pas essayer d'aller un peu plus dans ce sens-là. Romain nous dit, avec ma femme, nous pratiquons la sieste d'environ 1h30, malheureusement que le week-end, car notre fille de 15 mois ne fait toujours pas ses nuits. Ses siestes sont réparatrices le week-end, mais c'est vrai qu'il en faudrait aussi en semaine pour compenser cette perte de sommeil la nuit. Alors là, cette auditrice met le doigt sur chose. Hein. Ah, pardon, Romain. met le doigt sur quelque chose vraiment d'intéressant. C'est qu'en effet, je vous disais tout à l'heure qu'un quart des Français font la sieste, mais essentiellement le week-end et peu en semaine. Or, en dormant beaucoup le week-end pour compenser un faible temps de sommeil en semaine, on introduit un nouveau rythme artificiel qu'on appelle le jet lag social. Ouais. Et ce mode de récupération, elle n'a pas l'air d'être idéal. Moi, longtemps, je disais que je ne pense pas que tous les compartiments de l'organisme peuvent récupérer. Et là, il y a des papiers qui viennent de sortir, dans Current Biology ou autre, peu importe, qui montrent qu'en effet, par exemple, si on prend tout simplement la résistance à l'insuline, lorsqu'on est résistant à l'insuline, à long terme, c'est le développement du diabète de type 2. Et le week-end de récupération ne suffit pas à restaurer ses fonctions métaboliques lorsqu'on attaque à nouveau le lundi ou le mardi. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages pour vous sur France Inter. .fr, Brice Farot pour parler sieste et sommeil dans la tête au carré. Lampadaire sans lumière éclair, STF et bandoulière, antipode de la mort d'Andy Quoi. prospect clairement visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé, pendu, blé, très moussé sous l'effet de la scène. Policier étranger, dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée, mystifié, colisé, réparé, offensé. Dums, qui sont-ils quand ils l'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain, bras semblant d'humanité. Charnels sont les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit immigré, se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con. Serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, je suis plus trop humain. Mais plus que humain quand je vois l'humain. Puis soudain plus rien, y'a plus trop d'humains que des terriens. Sur un grand terrain, qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin, la seule voix que je suivrai c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt on ne fait pas appel, la vie a ses failles. Facture, courrier et rappel, pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien, l'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question, mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Trop humain, c'était Damso sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. La tête au carré sur France Inter. À l'heure du déjeuner, les salariés avalent leur repas en quelques minutes pour revenir immédiatement sur leur poste de travail. On pourrait croire l'usine déserte. Pourtant, ils sont bien là. Voici la face cachée de la Chine. Tapis dans chaque recoin, les ouvriers se sont assoupis. Le temps s'arrête, et pas seulement pour les ouvriers. Même dans les bureaux, à l'heure de la sieste, tout se met en pause. Les écrans, comme les cadres. On ne peut pas vraiment dormir au travail. Mais on se repose, pour être plus en forme. C'est du sommeil léger, ce n'est pas un sommeil profond. La sirène sonne la fin de la sieste. Après 30 minutes de repos, les salariés se remettent à leurs tâches. Surprenant paradoxe, la sieste est une tradition dans ce pays qui affiche des records de croissance. Et il en est ainsi dans toutes les usines chinoises. Voilà, et ça c'était en Chine, vous l'avez compris, et vous nous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Brice Faro, c'est bon pour les travailleurs, mais c'est surtout bon pour la productivité, hein. Oui, enfin, on peut arriver à quelque chose où ce soit gagnant-gagnant, mais la sieste dans les entreprises commence à faire son chemin, doucement. Des salles de sieste ou de repos apparaissent. C'est pas complètement parfait, parce que souvent, soit l'environnement de la salle de sieste est pas adéquat, lumière, bruit, confort, soit la démarche c'est pas complètement sincère, mais en tout cas ça apparaît, mais ouais. La plupart du temps il y a aussi le côté tabou, donc par exemple, typiquement en province, les gens en province, enfin parce qu'à Paris, on vient rarement en voiture à son travail, font ce qu'on appelle des siestes parking à l'heure du déjeuner. Dans leur voiture. Dans leur voiture, c'est plus répandu qu'on l'imagine. C'est quoi les conditions idéales d'ailleurs pour faire une bonne sieste? C'est d'être aussi dans la pénombre. Alors idéalement. Pas de bruit dans la pénombre, et la position aussi est importante. Il y a une étude amusante qui a été publiée par des Australiens où ils comparaient en fait l'équivalent de lorsqu'on est en avion, on est en classe économique, en business on est à 40 degrés, et puis la classe supérieure on est complètement allongé. Et ça change tout absolument. Ouais. Lorsqu'on est complètement allongé, on dort beaucoup plus, surtout avec beaucoup plus de sommeil lent profond, du sommeil paradoxal et un sommeil peu fragmenté, à 40 degrés, c'est pas mal, ça se rapproche. Donc en fait, si on a la possibilité de... Offrez-vous la business au bureau. Ouais, absolument. Basculez votre fauteuil à 40 degrés. Ouais. Et par contre, à 20 degrés, c'est-à-dire là, c'est ce que vous voyez tous les jours dans le métro ou le train. Il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est le tonus musculaire. Donc au bout d'un moment, le tonus musculaire commence à diminuer. Ouais. Donc il y a un relâchement des muscles du cou et hop, la personne, la tête tombe et il se réveille. Donc c'est voilà, il faut pouvoir maintenir sa tête, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, moins on est en position allongée, plus les systèmes de stress sont sensibles à l'environnement et vont activer les systèmes d'éveil. Une question de Claire, qui est sage-femme en salle de naissance et qui alterne des gardes de jour de 8h à 20h et de nuit de 20h à 8h du matin. Ces nuits blanches régulières ont-elles des effets sur l'organisme? Avez-vous des conseils pour récupérer au mieux le travail de nuit, ce qu'on appelle le travail posté? Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. Il concerne 15 à 20% des Français qui travaillent soit de manière habituelle ou occasionnelle en travail de nuit ou en horaire décalé. La part des femmes a augmenté, justement, ça c'est des enquêtes de la DARES. Mais pour revenir, donc les gens qui travaillent de nuit dorment en moyenne une heure de moins à poste identique que les gens qui travaillent de jour. Donc déjà, ils sont en dette de sommeil. Et le problème est aussi le temps d'exposition. Ils vont pas tenir extrêmement longtemps s'ils ne sont pas fait des stratégies. Alors une qu'on rencontre très souvent, c'est avant un poste de nuit, ils font une sieste longue d'une heure et demie vers 17h. C'est une première chose. Là, la sage-femme parlait d'alterner des nuits blanches avec des jours de travail. La question est comment elle récupère pendant ces jours de repos. Et là, plusieurs stratégies sont possibles. Il y a certaines infirmières qui cherchent à repasser, parce qu'ils ont des enfants, etc., ils veulent les voir, ils ont une vie sociale, à repasser en inverser leur mode, c'est-à-dire dormir la nuit et être éveillé le jour, en s'infligeant une grande privation de sommeil lorsqu'elles sortent le matin à 7h du matin. Elles ne vont pas dormir de la journée pour essayer de dormir le soir. Il y a des gens qui restent, une minorité extrême, 2-3% qui restent des oiseaux de nuit, donc qui restent à travailler que la nuit et à vivre dans leur loisir, dans leur jour de repos la nuit. Et puis celles qui ont l'air de s'adapter le mieux, c'est un entre-deux où elles vont dormir en seconde partie de nuit et dormir le matin. Donc on est dans un entre-deux, certes pas satisfaisant, mais qui a l'air d'être le plus propice. Notre horloge biologique est plastique, mais on peut pas se transformer en chouette comme ça d'un jour à l'autre. Émilie demande pourquoi est-ce que nous avons l'impression d'être dans le pâté lorsque l'on se réveille d'une sieste. Alors expliquez-nous ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Donc voilà, cette sensation, on est dans le gaz, cette sensation de désorientation. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on expérimente lorsqu'on a fait des longues siestes. Et si cette sieste avait du sommeil lent profond. Donc après, alors pourquoi on a cette inertie du sommeil? Juste point de vue fondamental, ça a une fonction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce d'état tampon entre le sommeil et la veille pour que les fonctions respiratoires, cardiaques remontent doucement. Donc c'est quelque part, ça nous protège. Mais en effet, dans la journée, lorsqu'on fait une sieste d'une heure, une heure et demie, et qu'on est en dette de sommeil, donc on va avoir du sommeil lent profond, et cette inertie, c'est gênant. Après, il y a des moyens de réduire cette inertie. Et vous dites, plus on fait la sieste et moins on a cette impression justement d'être dans le pâté en se réveillant. Oui, absolument. Il y a deux choses. Il y a la longueur et le fait qu'elle contienne ou non du sommeil lent profond, qui joue sous inertie, mais aussi l'habitude. Donc oui, alors ça, il faut que je prenne une minute pour vous raconter une expérience très étonnante. Merci. Qui a été publiée dans Nature dans les années 2000. Un chercheur allemand a pris plusieurs groupes de sujets. Une partie devait se réveiller. On voit, vous réveillez à 6h du matin. Ils étaient prévenus lorsque l'équivalent de ce qu'on va prendre en avion très tôt. un autre groupe, on lui a dit « Vous, vous dormirez tranquillement jusqu'à 9h ». Bah, manque de peau, ceux à qui on avait dit qu'ils dormiraient tranquillement jusqu'à 9h, en prétextant un ennui technique, ils sont allés les réveiller à 6h du matin. Donc là, complètement surpris. Et bah, on a mesuré les hormones de stress, donc ils vont aider à soutenir notre éveil le matin, faire qu'on se réveille, on soit en forme. Et bah, ce qui est très étonnant, c'est ceux qui étaient préparés, donc qui avaient un comportement d'anticipation, c'est-à-dire que leurs hormones de stress ont commencé à monter plus tôt qu'habituellement, alors qu'ils étaient encore en train de dormir, pour lorsqu'ils se sont éveillés à 6 heures, ils soient déjà un peu en forme. Alors que ceux qu'on a réveillés à 6 heures et qui étaient censés dormir jusqu'à 9 heures, on n'a pas vu du tout cet effet. Catherine demande quel impact le changement d'heure sur le sommeil. Est-ce que l'heure d'été n'est pas délétère sur le sommeil? L'éternel débat qui revient. Oui. Bah, un chronobiologiste que je ne suis pas, vous répondrez que lorsqu'on se couche, si c'est un moment où la lumière est tombée, il y a un certain temps, et quand on se réveille avec le jour, c'est préférable. Donc je crois pas que ce soit les conditions de l'heure d'été sur l'ensemble de l'année. C'est ça, ils sont plutôt opposés à ce changement et à ce gros décalage en tous les cas. En France aussi, il n'y a pas qu'en Chine quand même que l'on peut pratiquer la sieste. Extrait d'un reportage issu d'Envoyé spécial qui nous le prouve dans la région lyonnaise. Il existe bien une entreprise en France où la sieste se pratique sans complexe, chez Novius, dans la banlieue lyonnaise. La société est spécialisée dans la création de sites internet. Elle emploie une trentaine de salariés. À la pause déjeuner, ceux qui le veulent peuvent aller faire un tour dans la salle de sieste. Romuald est un fervent pratiquant. Effectivement, on passe un peu pour des fainéants, un peu, mais tu fais rien au travail, en sachant que le patron lui-même le faisait. Ça rassure. C'est lui le boss. Jérôme a participé à la création de cette salle il y a maintenant 10 ans. Et il assume. Autour de vous, vous avez une salle qui fait 10 mètres carrés. Vous avez 3 poufs qui coûtent moins de 300 euros chacun. Ça fait 10 ans qu'on a une salle de sieste. Si tous les jours, on a ne serait-ce qu'une heure de productivité en plus, ça fait largement le temps que cette salle et cet investissement est rentabilisé. Les salariés font la sieste sur leur temps libre à midi. Pas de perte de temps, plutôt un gain d'énergie. Romuald reprend après cette coupure, plus productif que jamais. Je pense que la sieste est plutôt bénéfique, c'est pour ça qu'ils nous laissent faire une petite sieste de 20 minutes, voilà, une demi-heure. Voilà, ben là aussi, il y a de la productivité finalement. Les patrons d'entreprise ont tout à y gagner. Brice Farouane, nous laisser dormir un petit peu parce que ils sont pas fous. Hein. Ils ont bien compris que même 10-15 minutes de sieste en début d'après-midi permet à quelqu'un de retrouver des facultés de performance, donc performance cognitive, vigilance et attention de meilleure humeur. Donc ça aide entre collègues, meilleure sociabilité pendant les 2 voire 3 heures qui suivent. Ouais. Donc ça permet de tenir un certain temps dans l'après-midi. Lorsqu'on est aménagé de sommeil. Des salles de sieste. Est-ce que c'est bon par contre de dormir en digérant en même temps puisqu'on vient de déjeuner et tout, on va faire la sieste? Est-ce que ça c'est bien pour l'organisme? Alors c'est deux choses distinctes. Le fait de digérer, donc il y a un creux naturel de vigilance entre midi et 16 heures pour deux raisons. Les Français se lèvent en moyenne entre 6 et 7 heures du matin. Donc vers 14 heures, ça fait 8 heures qu'ils sont éveillés. Ouais. Donc la pression du sommeil commence à avoir un niveau certain. Et en même temps, on a un moment où les systèmes de stress, les systèmes d'éveil vous soutiennent moins, leur activité est moindre. Donc plus une baisse de la température d'un ou deux dixièmes de degré. Donc c'est le moment idéal. Et la digestion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise de l'énergie. Donc elle ne fait qu'accentuer ce creux de vigilance, mais elle ne rentre pas en conflit avec le fait. Bon, évidemment, si on a mangé extrêmement lourd et très alcoolisé, l'alcool déshydrate, donc empêche ça. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Bon, allez, dans un instant, on verra quelle est la durée idéale finalement et comment adapter au mieux sa sieste. On écoute Jacques Brel et on se retrouve après. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr. Knokle-zout, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasson avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, je fais ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt, et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Si un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. 67, la chanson de Jackie, Jacques Brel. La tête au carré. Brice Farot avec nous, neuroscientifique, pour nous parler de ce livre, Sauvé par la sieste, les petits sommes, les grandes victoires sur la dette de sommeil. Ça vient de paraître aux questions santé d'Actes Sud, et bien sûr les messages nombreux des auditeurs. Dominique qui nous dit, c'est trop bon, je viens de me réveiller de 30 minutes de sieste en vous écoutant. Voilà, bon, on est content. Eh ben, c'est parfait. Hein, c'est bien. Parfait. On peut même écouter La Tête au Carré dans un demi-sommeil. Hein, voilà. Et pas, puis, on peut la réécouter en podcast. Voilà. Ou à 4 heures du matin, à nouveau, effectivement. Vous connaissez Arianna Huffington, j'imagine. Oui, oui, oui. Je sais qu'elle a fait un cheval de bataille, les voilà. Questions de sommeil. Absolument. Elle a même fait fortune grâce à ça, puisqu'elle a écrit sur la question. On va écouter l'extrait d'un reportage. C'est la fondatrice du Huffington Post. Voici ce qui lui est arrivé. La sieste, Arianna Huffington en a fait un livre, Thrive, s'épanouir dans la version française. Elle y raconte comment elle est devenue une adepte de la sieste. En 2007, elle s'écroule littéralement de fatigue sur son bureau. Elle s'en sort avec 4 points de suture et l'os de la pommette fracturée. Une des leçons de cette histoire, c'est que souvent nous ne sommes pas conscients de notre degré de fatigue. Je crois qu'on se préoccupe plus de nos smartphones, de combien il leur reste de batterie. Mais si vous m'aviez demandé le jour où je me suis évanouie, Arianna, comment vas-tu? Je vous aurais répondu très bien. Nous sommes tellement habitués à la fatigue qu'on finit par se dire que c'est normal. L'executive woman parcourt désormais le monde pour prêcher une révolution. La sieste comme nouvelle voie de la réussite. Jusque dans les très prestigieuses conférences TED, en libre accès sur Internet. Et ma petite idée pour réaliser de grandes choses, c'est dormir. Voilà Arianna Huffington qui a réveillé les consciences américaines et mondiales autour du sommeil. Absolument. Ah, je vous souhaite de vendre autant de livres qu'elle d'ailleurs. Hein. Ah oui, bah ça on verra. Oui, et puis sinon il y avait, en dehors d'Arianna Huffington, on a un philosophe qui s'appelle Alain qui dit de manière assez jolie, sachons dormir, nous serons veillés. Donc j'aime bien cette devise socratique. Ouais. Arnaud dit, avez-vous remarqué que les Français manquent de sommeil depuis que le film ou l'émission du soir à la télé commence à 21h passées? Est-ce que les scientifiques ont étudié cette problématique? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait d'études scientifiques, mais par contre, on le comprend complètement, hein, puisqu'en moyenne, les gens se couchent autour de 23h, donc 21h, ça fait le... Il faut compter un temps de avant de s'endormir, un certain temps d'endormissement, le fait de redescendre un peu, d'éloigner toute chose de l'environnement qui pourrait perturber l'endormissement. Donc oui, complètement. Ouais. Ouais. Samuel nous dit, alors on a plusieurs questions sur la petite sieste de 18h le soir. Je rentre du travail épuisé et je fais souvent une sieste vers 18-20h avant de reprendre le travail jusqu'à 2h ou 3h du matin. Bon, on le comprend, il travaille tard. Hein. Est-ce grave, docteur? Absolument pas. Alors surtout, j'allais vous dire, ne faites pas une sieste trop longue à 18h si vous voulez aucune difficulté à vous endormir, mais vers 23h. Mais par contre, si cette personne travaille à 2-3 heures du matin, là, elle peut y aller. Hein. Ouais. Et pour ceux qui ne travaillent pas forcément le soir très tard, la sieste de 18h, c'est avec modération. Avec quand modération. Même, hein. Allez, on va dire 6 heures d'écart entre le moment où on va s'endormir le soir et la dernière sieste, qu'elle ne soit pas trop longue. Ouais. Caroline nous dit, ma mère qui fait les 3-8 depuis des années a cumulé une immense dette de sommeil et semble être dans une phase de dépression grave. Est-ce lié, demande Caroline. Oui. L'incidence des maladies, enfin psychiatriques, hein, parce que ça a été fait au sens large en épidémiologie, est plus élevée chez les travailleurs de nuit. Et le temps d'exposition, si elle a toujours travaillé sur ce mode de travail, après chacun fait comme il peut, mais il faut penser peut-être à essayer de passer à des postes moins usants pour la santé. Est-ce que chez les personnes dépressives justement, Brice Farot, le fait de dormir peut atténuer les symptômes de la dépression? Atténuer non. C'est souvent un signe de la dépression. C'est un des signes cardinaux de la dépression sévère. C'est qu'on a le sommeil, comme ces gens libèrent moins de sérotonine, ils vont avoir le sommeil paradoxal qui apparaît plus vite. Donc dormir plus, c'est un problème complexe. C'est-à-dire le manque chronique de sommeil peut mener à des troubles de l'humeur qui, en fin de compte, vont arriver à la dépression, certes. Mais oui, retrouver une hygiène du sommeil, certainement. Certainement. Oui, ça, vous êtes d'accord là-dessus quand même. Oui. Thierry dit, j'ai plusieurs amis espagnols septuagénaires qui sont bien sûr pratiquants de la sieste au quotidien et je peux constater qu'ils ne vieillissent pas mieux que leurs congénères français du point de vue physique ou mental et j'en suis déçu, dit Thierry dans ce message. Une réaction? Alors, il faudrait un peu objectiver les choses. En tout cas, je peux vous très vite une étude de l'université de Pamploune qui montre que la pratique de la sieste chez les personnes d'autour de 50 ans protège de la prise de poids. Ah. Bah, c'est toujours bon à prendre. Absolument. Ouais. Et la différence français-espagnol, il n'y a pas d'études comparatives. Ça, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Bon. Clémence nous dit, lorsque je fais la sieste, j'ai du mal à me réveiller. Je suis en hypoglycémie. J'ai besoin de manger du sucre pour me réveiller vraiment. Est-ce normal? Alors, il faudrait savoir quelle est la longueur de sa sieste et à quel moment elle fait la sieste. Mais le sommeil est une période de jeûne. Mais en principe, le métabolisme du glucose se régule de telle manière qu'on ne devrait pas être en hypoglycémie en sortie de sieste. Élise demande, est-ce que ça soupire même une minute est réparateur? Alors, une minute, évidemment, on va se déconnecter des stimuli extérieurs, on va plus être sollicité par l'environnement, donc oui, relaxation mentale. Maintenant, une minute de sommeil, en termes de bénéfices sur les performances, la vigilance, malheureusement, ça amène, je dirais, vraiment très très peu de bénéfices. Alors, Brice Farot, quel est le bon dosage pour faire la sieste? Est-ce qu'on passe de 10 minutes à 1 heure, à 30 minutes? Qu'est-ce que vous nous conseillez là-dessus? Alors, on va essayer de schématiser. Alors, je vais appeler les siestes énergisantes que les anglo-saxons appellent la power nap. C'est une dizaine de minutes. L'avantage, c'est que dès qu'on se réveille, on est tout de suite efficace. 10 minutes, ça veut dire 20 minutes de disponibilité puisqu'on compte en moyenne 10 minutes pour s'endormir. Et elle va augmenter notre vigilance, nos performances, rétablir notre humeur, redynamiser nos performances cognitives. Donc, c'est vraiment idéal pour recouvrer des capacités physiques et intellectuelles qui ont été ponctuellement diminuer. Maintenant, lorsqu'on est en forte dette de sommeil, elle est pas forcément suffisante. Donc dans ce cas-là, optons pour une sieste qui est toujours possible dans le cadre d'un travail classique, d'une demi-heure, ou je vais l'appeler plus sieste thérapeutique dans le sens où elle va contenir du sommeil lent profond, une dizaine de minutes. D'autant plus si on est en forte dette de sommeil, puisque c'est une espèce de balance, d'homéostasie. Et donc cette sieste va avoir d'autres vertus grâce à son sommeil lent profond. Elle va dissoudre le stress, ça va être un pansement à la douleur, on va être moins sensible à la douleur. Elle va pacifier notre système immunitaire dans le sens où il y a des effets de normalisation sur certaines molécules immunitaires. Et puis sur le risque cardiovasculaire, ces siestes habituelles d'une trentaine de minutes, vraiment, là il y a beaucoup d'études, elles ont un effet protecteur. Et des études espagnoles, pour revenir à votre auditeur tout à l'heure, des études grecques, qui le démontrent assez joliment. Vous nous parliez d'un nettoyage des cellules tout à l'heure. C'est quoi? C'est les cellules du cerveau qui bénéficient justement du sommeil et d'un... Oui, alors il y a un très joli papier publié dans Science, si je dis pas de bêtises. Alors chez la souris, on attend impatiemment de voir ce qu'il en est chez l'homme, où il montrait que pendant le sommeil, le liquide lymphatique donc qui coule entre nos cellules cérébrales du cerveau, qui est en fait le liquide céphalorachidien et les déchets toxiques, donc l'espace entre les cellules... augmente. Donc cette espèce de détente des tissus entre les cellules fait que le débit du liquide est plus important, ce qui permet d'évacuer plus rapidement les déchets. Et alors évidemment, ils ont vérifié dans ce papier aussi le peptide bêta-amyloïde responsable de la maladie d'Alzheimer est par exemple évacué plus rapidement. Merci beaucoup Brice Faro, tout ça est passionnant et on retrouve évidemment les réponses à toutes ces questions dans ce livre Sauvé par la sieste chez Actes Sud. Et puis bien sûr, je vous invite amis auditeurs à nous retrouver jeudi 18 avril prochain dans le cadre de notre dernière conférence autour du cerveau dont le thème sera justement le sommeil. On répondra à toutes vos questions. C'est à 20h le 18 avril en direct du studio 104, également dans 150 salles de cinéma en France. Si vous souhaitez nous suivre avec Lionel Nakache, vous pouvez réserver votre place dans les cinémas sur franceinter.fr.